j'essaye de marcher au pas, mais je me croûte à chaque fois. Me sens mieux ici-bas et plus tard on rigolera. Je sais que tu flippes pour moi, j'ai ton sang dans plein les doigts, mais moi je m'en fous, tu sais quoi, pas avant de trouver la voie. Mais ton regard indulgent pèse sur la conscience, je me noie dans tes reproches pour ton amour, je m'en balance. Laisse-moi écrire des conneries sur bout de papier, cogiter, j'adore ça, peu importe où je vais. Y'a pas paye, propopanababanda pas paye, propopanandé. Je veux pas un avenir auquel je devrais me contenter. J'ai bien le temps de vieillir dans mon 10 mètres carrés. Et que je le dis, c'est un fait, mais faut savoir qu'en réalité, la flemme d'agir me rattrape, je me bats blanc de ce canapé. J'ai la trace de ma chaise incrustée sur mes fesses, des poches sous les yeux, chiots, ce membre de la mollet. J'ai la tête en surcheveux, le corps engourdi, masturbation cérébrale, je suis étudiant, ça y est, c'est dit, y'a pas paye. Propopam, dababam, dababay. Propopam, dandey. Dabodam, dandey, y'a pas paye. Y'a stabalababam, dababay. Propopam, dababam, dababay. Propopapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap